tous les samedis soirs avec mes amis, c'est la foire. Se coucher tôt, il est trop tard. Se coucher tard, il est trop tôt. Car il faut rester actif, man. C'est pour ça que je roule un spliff. Fais tourner, moi je kiffe les soirées où je reste vif. C'est l'orgie, clandestine. Les buzz, ça tourne, le rouge, j'en fourne. Les conversations peu à peu se détournent. Ça attaque sec, le pas en deck et bientôt plus personne. Ne pas s'objecter, c'est l'orgie, clandestine. On se finit sur la plage à coups de martini, c'est un carnage. Et les filles peu à peu tombe le maquillage, complètement déchiré, c'est plus possible de rentrer. Et alors on s'en vient tous à coups de cocktail sans mousse. C'est l'orgie clandestine, l'orgie clandestine. Qui est bien dans ces soirées, c'est qu'au matin tout éclaté. Tu peux t'amuser à faire chier les carquettes et les plus bourrés. Car ils sont totalement dociles, mais ce gars battement docile. La gueule de bois, c'est pas pour moi, en tout cas pas pour cette fois-là. C'est l'orgie clandestine. C'est la orgie clandestine. On nous a dit qu'il fallait 5 ans pour devenir alcoolique. On leur a répondu qu'on n'était vraiment pas pressé. Et c'est comme cela qu'un geste mécanique on ouvre une bouée à ta santé. Le point commun entre le sport et le canapé, mis à part l'effort, ça a le don de me fatiguer. Si tu choisis le sofa, le mode lock et la télé, dis-toi qu'au dehors y'a plein de pubs à visiter. C'est l'orgie clandestine.